toi. Oh, tu es tout pour moi, et tout pour moi c'est toi. J'ai croisé une fille qui te ressemblait. J'ai failli, je crois, la prendre pour toi. Ta joue.